Alors comme vous avez été sage, on va vous faire un morceau tout neuf encore. Hein. On fait une petite pause, on part trois quarts d'heure, une demi-heure, on revient. C'est une blague. D'ailleurs, en parlant de blague, je sais qu'il y en a qui vont faire la remarque, parce qu'on va tous passer sur scène ce soir, il y en a qui vont dire, ils ont pris des coups de soleil. Non, non, c'est du maquillage de scène, on est tous maquillés pour la scène, et voilà, c'est tout. Il y en a rougeurs, qui ont dû louper la séance maquillage. Ouais, il y en a qui travaillaient, ils n'étaient pas sur la pelouse cet après-midi, mais voilà. Dilemme. Je suis un ange dans le ciel, et vu d'ici la terre est belle, je reçois bien toutes vos prières. J'y fais tant de bon que de mauvais, et j'y ferai ma place, quitte à finir face à face. Je suis un démon sous le sol. Tectonique. Ah bah, tant que vous continuez à applaudir à nous, on fait merci, merci.